C'est du blues. C'est de la tristesse. Ça s'appelle pas autrement. Il y a un moment où ça cesse, mais c'est là, maintenant. Même en déroulant du câble le long de ma chienne de vie, je me vois toujours incapable d'éviter les avaries. Dans ma vie, y a rien de construit, tout est en kit, en morceaux, juste quelques pilotis en prévision des grandes eaux. À l'hôtel de la mélasse, j'ai une ardoise en souffrance et des agios qui dépassent la limite de la décence. Y'a plus grand chose qui tient debout dans ma maison intérieure, à part des pierres, des cailloux, y'a plus grand chose qui demeure. Dans cette cahute en jachère, sans mur, sans porte et sans toit, je profite de la lumière et je bronze pendant 12 mois. C'est de la tristesse, c'est du blues. Je trépigne et je m'exalte à cause d'une fausse andalouse ou d'un chat mort sur l'asphalte. À cause du soir qui nous plombe au crépuscule de la vie et du temps qui creuse les tombes, tic-tac, jusqu'à l'agonie. Et c'est comme un coup de fatigue, comme une lame de fond ancienne qui passe par-dessus les digues. Un maelstrom qui fait des siennes. Excellent sujet d'étude qui raque après et avant. J'ai niqué la solitude, j'étais son meilleur client. Souvent jalouse, exclusive, cette fille de mauvaise vie, dans le style qui m'aime me suive, c'est pas une bonne compagnie. Alors, avant l'andropause, pourquoi pas je me verrais bien titiller la vie en rose et changer de méridien. Ce blues, en douce, fait des vagues, entre le zeste et le ziste, entre le zig et le zag, j'oscille et aussi j'existe. Ça, c'est mon côté Ruskov, Tchekhov, tout le tremblement, vodka orage, Molotov, ivresse et grand sentiment. Et bien sûr, j'en fais des tonnes. Je crie au loup, j'exagère, mais si je braille, si je claironne, c'est pour éviter l'ulcère. Blues toujours, yes, blues again. Ce chagrin qui passe à l'as, cette mélancolie rengaine, on dirait Michel Jonas. J'ai le cœur qui lâche du lest, ma vie met un bonnet d'âne quand j'entends venu de l'est l'écho d'un violon de cigane. Mais peu à peu la tristesse s'éloigne en catimini. Le blues se casse en vitesse, tu vois. C'est déjà fini.